Y'a pas de puto, non, y'a pas de puto. Y'a pas de puto, non, y'a pas de puto. Et on te croit que tu prends couteau. Tip, papa, la, la, la. Tip, papa, la, la, la. Tip, papa, la, la, la. Tip, papa, la, papa, la. Tip, papa, la, la, la. Tip, papa, la, la, la. Tip, papa, la, la, la. Tip, papa, la, papa, la. Quand j'imagine, on m'appelle l'homme de la machine. Avec les poteaux loin des balles, des fois on boit un peu d'alcool. Va pas mon beurre, c'est drôle. Et les familles, ça parle. Tu veux savoir mon avis? J'ai plus rien à faire ici. Je suis quand même la nuit. Frérot, j'ai même plus de vie. Mais si, bon, je me taille de la vie. Bon, je donne plus de nouvelles quand y'a trop de blagues, moi vous le dis. Bon, y'a ce qui faut là, oui. Bon, papa la la la. Et merci combiné.